se pale ou hey bébé. Mon bizin dit ou j'en m'aime ou m'aime. Voye ou tous les jours l'oka levé ou l'oka douche ou même l'oka habillé ou l'oka pâti le matin. En savou kay mentier moi sans vous moi païen. Pe pas la dieu m'aime ou m'aime. Voye ou tous les soirs l'oka rentré. Oka couché ou a moi en comblé. En le frisson et sensation. L'amour a ka monté en ka senti l'oppression. Sou ka pâti en vé pas regretté aïen. Mais c'est pour ça qu'a dit tout ça qui a si chez moi. Ça vous c'est petit chou en moins, chouchou en moins. Rêve mon pas craquin d'ayen. Préparez-te en minute sans vous, sans faire l'amour. Ou j'a savant fou vous, et jour après jour. L'amour en nous qui fleurit toujours. L'amour qui est plus fort qu'il nous. You're my baby, you're my love. I can give you what you like. Pour nous rester ensemble. Tous les jours, je constate que tous les deux cassent. Qui se ressemble, ça semble qu'on peut voir Black Adi. A pas magie, baby. Vous et moi, c'est pour la vie. Moi qui love, oh, qu'on love. Moi, heaven, oh, c'est forever. Bobo, Nico, nous cabazot love là. Heaven, habi jo que vous, kaki l'amour. Adi, heaven, habi jo que vous, kaki love. Adi.